Cette émission est une présentation de RZO. Pour plus de podcasts et web télé, rendez-vous sur rzoweb.com. Yeah. Hi, this is Steve Wozniak, and you are listening to the podcast of Mac Québec. MacQuébec.com, le podcast. C'est toutes les nouveautés Apple. Commentaires et critiques. Vos questions, nos réponses. Et beaucoup de collaborateurs. Bienvenue au podcast de Mac Québec. MacQuébec.com. Il est présentement 8h10, nous sommes mardi. Bon, ben, j'espère que vous m'entendez. Oui, ok. Monte un peu encore. On parle d'Apple. Ouais. J'ai aimé tes tournures de phrases là, pendant l'intro. Oui. Mm-hmm. Ouais, ben, c'est ça, c'était monte le son puis tout ça. Là, mais il est 8h10, vous êtes en direct du podcast Mac Québec. Nous sommes le 15 avril 2014 et au cours de la prochaine heure et demie, vous allez entendre parler de Apple. Je vais en avoir parlé, je pense, à la fin du podcast pour 5 heures aujourd'hui. Au moins, j'ai fait une formation chez ClickPom. On invitait les clients à venir nous voir pour leur parler des nouveautés Mavericks. Okay. Il était temps, mais en même temps, 10.9.3 n'était pas sorti. Il n'est pas encore sorti, il est encore en bêta. On en a d'ailleurs eu une nouvelle aujourd'hui. Et les gens ont apprécié, on leur a montré des choses fort intéressantes, dictées, des trucs dans le calendrier. OK. Est-ce que... Il y avait certaines choses que le monde connaissait pas, que vous leur avez montré des nouvelles choses qui... Chacune des personnes, il y était à peu près une dizaine dans la salle, chacune des personnes qui étaient là ont grappillé là, tu sais, 2-3 trucs qui savaient pas. Okay. Entre autres, dans les contacts maintenant, quand tu fais un copier-coller d'une adresse, mm-hmm. avant, tu prenais l'adresse d'un restaurant, mettons, dans un site web, puis tu sais, tu prends ouais. l'adresse du numéro de porte jusqu'au code postal. Ouais. Puis tu faisais copier-coller, puis là, tu arrivais dans contact, puis tu faisais coller. Là, c'était comme tout dans le champ rue. Puis là, comme il fallait que tu ailles toi-même prendre chacun des morceaux puis les mettre dans la bonne case. Là, il reconnaît tout ça et il va lui-même les placer dans la bonne case. Donc, c'est une des petites nouveautés. Je les ai sensibilisés aussi à une bonne hygiène du carnet d'adresse. Parce que c'est le point central. Les gens le savent pas, mais c'est à partir de là, tu remplis bien ton carnet d'adresse. Après ça, t'as plus besoin de te souvenir du numéro de téléphone Exactement. De personne, de l'adresse de personne. Tu demandes à Siri, tu dis téléphone à telle personne, FaceTime audio telle personne, ou amène-moi à telle place. Ouais. Puis c'est merveilleux. Puis la vie est beaucoup plus facile comme ça, selon moi. Le podcast Mac Québec est une émission bimensuelle produite par l'équipe du site www.macquebec.com sur l'univers Apple. Au cours des 90 prochaines minutes, nous passerons en revue les nouvelles du monde Apple des deux dernières semaines. Il n'y en a pas eu beaucoup. Non. Répondons à des questions posées par des membres de la communauté Mac Québec. Il n'y en a pas eu beaucoup. Exactement. Et présenterons nos trouvailles de la semaine. Ça, il n'y en a eu pas pire. Je vous présente sans tarder mes deux animateurs. Jean-François Roy est avec moi. Bonsoir. C'est original, hein? C'est correct. Voilà, c'est une petite soirée. Il n'y a pas de nouvelles, il n'y a pas de présentation. Non, exactement. Jean-Michel. Bonsoir. Bonsoir, ça va bien? Très bien, toi? Oui, merci. Mm-hmm. On fait ça short and sweet aujourd'hui. Pas d'intro à pu finir. C'est fini mm-hmm. ce temps-là. Nous autres, on est normcore. C'est fini ce temps-là, on est rendu payé à la fois, fait qu'on n'est plus payé à l'heure comme avant, fait que moins on prend de temps, plus on finit vite, plus on est payé finalement. Ouais. On n'est pas payé du tout. Mais c'est ça. Mais on aime mieux être pas payé du tout pour ce temps-là qu'on fait pas. Bref, on est payé à la fois. Le podcast de Mac Québec est rendu possible grâce à la généreuse collaboration de ClickPom, de CoopUCAM, de ReptileTech, de iRepair Montréal, de Linis et de Telestream. On les remercie donc beaucoup. Tiens, on va essayer ça. Mac Québec, le podcast. Messieurs, est-ce que vous avez des kudos et kudos? En fait, la dernière fois qu'on s'est laissé, c'était le 1er avril. Ouais. Et là, deux semaines plus tard, méga joke, on est sous un gouvernement libéral. Majoritaire. Et majoritaire. Et Johan a gagné. et les gens ont plus gueulé durant la dernière semaine, en fait, avant-hier. Depuis dimanche. Sur le fait que Johan a gagné parce qu'il y a une grosse voix grave qui fait vibrer les trompes de Fallope de ces dames, le gouvernement libéral, donc le pays s'en va sur le camp. Qu'est-ce que tu fais? Non, mais je suis en train de choisir des photos, là. Ça marchait pas. C'est sur Flickr, les photos. Ah, c'est une recherche Flickr avec une tag, là, MQ, Octom, quelque chose. Si je vois là, peut-être? Je pense que oui. On va supprimer les. Bon, pendant que mes collègues vont... Ben oui, continue. Est-ce que vous avez des coups d'os et coups de douze? Toi, coups d'os pour le Parti libéral? Ouais, t'aimerais ça que je dise que j'ai gagné mes élections? Ouais, ouais, j'aimerais ça. Bon, mais bon, coups d'os au Parti libéral parce que j'ai gagné mes élections. C'est ça. Bon. Il l'a dit. Fait que... Moi, je les ai pas gagnés. Non? Ben non, c'est PQ dans Roma. Ah, OK. Fait que... Ça a failli être Québec solidaire, par contre. Oui, ça a été très proche, par exemple. Ça a été très, très proche que ça aurait été le petit jeune... Non, ça, c'est dans Rosemont, ça. Je me souviens plus si... Ah ouais, non, Québec, les jeunes, c'est genre Alexandre Leduc, quelque chose de même. Ouais, ouais, c'est dans Rosemont. Ouais. OK. C'est arrivé deuxième. On a une amie qui vient ici de temps en temps, Geneviève La Jeunesse, qui vient remplacer quand un de vous deux peut pas être là. Et c'est une demoiselle qui a milité pour le PQ et qui est très, très politisée puis qui comprend bien les enjeux. Quelques journées après, en fait, l'élection, il y a des gens qui étaient très en maudit et qui ont commencé à remplir, dont moi, une pétition pour avoir les proportionnels. En fait, c'est pas nécessairement sûr que tout le monde comprend c'est quoi la proportionnelle, puis si c'est le meilleur moyen qu'on a d'améliorer la démocratie. Mais on se rend compte depuis quelques élections qu'on se fait fourru, puis qu'il faudrait qu'il y ait quelque chose qui soit fait là-dedans. Tant plutôt qu'au provincial, fédéral et municipal. Mais, tu sais, à chaque élection, les chiffres sortent et... même si on serait en élection proportionnelle, c'est quand même les libéraux qui seraient rentrés, mais moins fort. Seraient rentrés à 52. Il fallait 53 ou 63. C'est 63 pour être majoritaire. Donc, il aurait été minoritaire à 52. Et pour certains, ça n'aurait pas été une bonne nouvelle. Pour d'autres, ben peut-être que le gouvernement libéral aurait... mieux jongler avec la minorité que le gouvernement péquiste. Bref, mais je parlais de Geneviève parce qu'on a eu l'idée de produire une capsule vidéo parlant des différents modes de scrutin possibles. Ça pourrait être intéressant. Toi, as-tu des coups de dose ou des coups d'eau? Ben, le Parti libéral qui est rentré, ça me fait suer. Je m'en fous un peu pour Johan qui a gagné. Moi aussi, complètement. en fait, on est dans une nouvelle ère d'Internet. Je ne sais pas si vous le sentez, c'est un renouveau. Gabrois a évacué, il a pris sa retraite. Ça a fait couler beaucoup d'encre. C'est quelqu'un que je suivais personnellement, mais plus par curiosité, comme les vidéos de singes qui se décrottent le cul puis qui sentent le doigt après. Voilà. Donc, voilà. Un peu un gaspillage de temps, finalement. C'est une personne assez particulière, moi, je trouve. Voilà. Moi, j'ai jamais vraiment suivi non. Ce qu'il a fait. Là, mais... Il a fait des bonnes choses. C'est un gars qui avait un charisme certain, mais qui ne l'utilisait pas vraiment à bon escient. Puis, en fait, qui faisait probablement tout pour... pas l'utiliser. Il y avait des bons textes, en fait, sur lui dans les journaux. Est-ce qu'on fait un retour sur le dernier podcast? Est-ce qu'on a quelque chose à dire? Non. OK. Non. Vous pouvez quand même nous soumettre vos questions ou vos commentaires sur les sujets que nous allons aborder aujourd'hui via Twitter en utilisant le hashtag PodMQ sur la plateforme Mac Québec, en fait, sur le forum de Mac Québec, parce qu'on a tué ou nous tuerons Mac Québec en trade. Ouais, nous tuerons, je pense. Ouais, ça n'a même pas été encore annoncé, j'ai l'impression. Ben, c'est ici que vous l'avez entendu en premier. On est là pour les scoops. Ben ouais. Fait que on devrait se faire un effet sonore là, en primeur au podcast Mac Québec. Ah, ouais. Puis, ouais. Fait que feu mouru, Mac Québec en trade. Voilà. Donc, on est en train de travailler pour avoir une solution. Alternative là, du même genre, un petit peu. Là. Help Out, tu disais? On l'a vu. Ouais, on a checké. C'est avec Bernard. C'était quoi, non? C'est ça? Ah, il y en a plusieurs. Il y a des thèmes pour des Q&A et des trucs comme ça qui peuvent être intéressants sur WordPress. Ouais. Donc, on va voir éventuellement. Ouais. Ou finalement, nous écrivant tout simplement à podcast@macquebec.com ou pas par téléphone au 1-877-561-2357. Mais pas ce soir. C'est ça? Pourquoi? Non, pas ce soir. Ah, je sais pas. Je te le demande. Ah, je sais pas, mais je peux le configurer. Non? Ben, pas par téléphone. Dites-nous, vous me laisserez un message cette semaine. Dites-nous sur hashtag PodMQ si vous voulez qu'on mette le téléphone et s'il y en a certains d'entre vous qui nous appelleraient. On rappelle, ça fait 6 mois que la fonction est payée à 1 piastre par mois. Ouais. Et je pense qu'on a plus payé de téléphone qu'on a reçu de donations sur la page de dons qui existe toujours sur macquebec.com. Disons qu'il nous reste assez de fonds pour le téléphone pour à peu près 3-4 mois. Que ça après se peut ça, qu'après ces 3-4 mois-là, ça se peut que le numéro n'existe plus. Voilà. C'est ça. Si vous nous écoutez en direct, je l'ai déjà dit. Ouais, on est rendu là. Single. Ouais. Mac Québec, le podcast. Je vais dire 2 choses avant de penser aux nouvelles. On a 2 concours. Oui. On a un concours pour gagner 6 ou 8 versions de Antidote. C'est 8 versions. C'est 8 versions. Ouais, ouais, OK, ouais. Antidote 8, 8 versions. OK. L'autre concours, c'est gagner une planche en bois pour déposer votre iPad dessus. Un socle iPad en bois. En bois. Fait par un artisan québécois. À l'effigie de Mac Québec. À l'effigie de Mac Québec. Le Big Q. Oui. Oui, t'as raison. Le Big Q. Le Big Q. On est mieux de le dire comme ça qu'en français. Oui. Fait que c'est ça. Fait qu'aller participer en grand nombre, ça finit. Ça doit finir bientôt. Oui, ben c'est 1 mois, donc ouais, C'est dans 2 semaines. Je pense qu'on l'avait annoncé pour Antidote, là, en tout cas, au dernier podcast. Et puis, Mais Antidote, là, il vaut vraiment la peine. Oui, tout à fait. Ben, oui. C'est 130 $. Là, quand même. La planche aussi est quand même chère, mais c'est celle à 50, je pense. Hein? Ah, OK. Oui, c'est la plus petite. C'est pas la grosse là, pour le bain. Le bain avec la coupe de vin. Oui, c'est le modèle de bureau. Le modèle de bureau. Le modèle de table. Oui, c'est carré. Mm-hmm. On a fait un dossier, en fait, vu qu'il n'y a pas tellement de nouvelles à Apple cette semaine, on a fait un dossier parce que ce qui, en technologie, a fait couler beaucoup d'encre et a fait paniquer la planète a mis les villes à feu et à sang, c'est Heartbleed, la faille de sécurité, en fait, dans OpenSSL. Et non SLL, comme j'ai entendu dans un autre podcast cette semaine. Comment qu'il l'avait appelé? SLL. Oh. Ah, bon, d'accord. Je pense qu'il pensait que c'était la faille SNL. Voilà. Donc, d'abord, qu'est-ce que c'est Heartbleed? Jean-Michel ou Jean-François? Mais Heartbleed, c'est... Premièrement, ça va faire mal, d'après moi, au logiciel ouvert. Parce que OpenSSL, c'est un logiciel ouvert. Ils sont à peu près 12, je pense, à travailler sur ce petit logiciel-là, dont un Québécois que je ne savais pas qui a passé à Arcan matin. Okay. Et ce que ça fait, c'est la manière que vous vous connectez à des sites pas bancaires. Il faut dire en partant que les sites bancaires n'utilisent pas cette... Non, au Canada, pas de trouble. Il n'y a aucun site bancaire. Aux États-Unis non plus, les banques... N'utilisent pas le OpenSSL. OK. C'est la manière que l'ordinateur traite avec le serveur, avec le temps de réponse. Il communique tout le temps avec l'ordinateur. Il y a un temps. Oui. Et la faille, c'est que c'était que... Il y avait trop de données qui poussaient en même temps. Puis, il y avait quelqu'un qui pouvait prendre le tas de données qu'il y avait là, qui communiquait tout le temps avec l'ordinateur, avec le serveur à l'autre bout de la personne. L'explication, en fait, la plus simple, c'est probablement XKCD, qui est une bande dessinée sur Internet qui l'a donnée en 3 cases. Donc, la première case, c'est quelqu'un qui dit, par exemple, « donne-moi le mot « chat ». Okay. En 4 lettres. Puis après ça, donne-moi le mot chien en 5 lettres. Puis après ça, donne-moi le mot cheval en 500 lettres. Et là, le serveur devenait comme fou et il vidait ce qu'il y avait dans la mémoire, c'est-à-dire les dernières données qui ont été loadées en mémoire, qui pouvaient contenir, entre autres, différentes des informations. Au Canada, on le sait, Hardly de toucher, par exemple, Revenu Canada, qui ont fermé le site jusqu'à temps que ce soit colmaté. Il y a des numéros d'assurance sociale qui ont été perdus. Vous m'en parliez, en fait, au début. 900. Oui, c'est ça. Il y a 900 avec des guillemets. Il y a 900 confirmés. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Plus de 2 millions non confirmés. On ne le sait pas encore. On va le savoir au cours des prochaines semaines. C'est pas, on ne peut pas mettre la faute entièrement sur les administrateurs système qui ont installé ce système-là. Parce qu'on peut même pas mettre la faute sur les 12 personnes qui ont créé le OpenSSL, parce que le gars matin, il disait, on le savait pas. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a travaillé pour implanter un autre logiciel dans l'OpenSSL, et la faille est devenue il y a 2 ans. Ouais. Mais le gars, il disait, on le savait même pas qu'il y avait une faille informatique qui pouvait venir chercher des données à partir de ce petit logiciel-là. Alors, tu sais, il n'y a pas personne à blâmer, sauf que je comprends pas pourquoi ça a pris 2 ans à s'en rendre compte quand tu sais que des Symantec et des Karpinski de ce monde sont là pour trouver des failles. Ils sont supposés de trouver des failles à journée longue. Eux autres, ils font que ça. Ils ont des labs qui font que ça. Mm-hmm. Et ça a pris 2 ans avant de le savoir. Et là, l'affaire aussi, c'est que la NSA, oui, la National Security Agency aux États-Unis, disent que oh, ben non, mais ben nous autres, là, on n'a pas pris. On le savait pas non plus, puis on n'a pas pris. On n'a pas utilisé cette faille-là pour aller prendre vos données. Yeah, sure. Tu sais? Fait que. Mais c'est ça. Fait que. Moi, je trouve que c'est. Faut pas mettre la faute à personne là-dessus. Ce qui peut être fait par l'humain peut être défait par l'humain, ouais, aussi. Mais, de toute façon, c'est des programmeurs, là. On s'entend que là, je m'entends plus. Fait que, OK, on s'entend que c'est du code open source, oui, à libre, et c'est ça, tu sais, on peut pas, tu sais, si les compagnies l'ont utilisé. C'est parce qu'ils trouvaient, normalement, il y a un audit qui est fait sur, oui, le logiciel. Est-ce que c'est la solution qu'on utilise? Oui, parce qu'elle coûte pas cher à prendre, parce qu'elle est fiable, puis tout ça, parce que, mm-hmm, normalement, un logiciel à code source libre, c'est supposé être plus sécuritaire, parce que en fait, il y a deux écoles de pensée, là, mais comme, ouais, il y a beaucoup de monde qui peuvent regarder le code source qui n'est pas fermé à pour ce moment-là. Pour celle-là, il y en avait 12. Il y avait juste 12 personnes qui travaillaient sur le code. OK. Mais c'était pas à temps plein. Mais des projets open source, habituellement, il n'y a jamais beaucoup de monde mais qui non, travaille c'est ça, dedans. Exactement, c'est des, ouais, morceaux essentiels à ce que l'Internet fonctionne. Donc, c'est comme t'expliquais, Quand on communique avec un serveur qui doit être sécurisé pour pas que personne normalement puisse prendre les données, ben on disait depuis des années aux gens, s'il y a un petit cadenas, t'es, ouais, correct, exactement, ben là. Mais là, ça c'est pas la même chose, là, OpenSSL et le petit cadenas qui est en haut dans le coin, là. Si non. C'est... Ben je pense pas que ça. Ben le cadenas va apparaître même si c'est pas OpenSSL qui est utilisé pour sécuriser pour les sites. Sécuriser. On pense les banques qui sont pas affectées par le bug parce qu'ils utilisaient pas OpenSSL justement. Mm. Le cadenas apparaît, mais c'est pas la même méthode de sécurité, là. C'est une autre méthode qui est sécuritaire qui n'a pas été affecté par ce bug-là. Ouais. C'est quoi les services, en fait, qu'on sait qui ont été touchés Les services, on voit, il y a un article très intéressant qui a été publié par Protégez-vous cette semaine, qui fait une liste, là, un résumé là, des services globaux, là, des services internationaux, puis mais aussi des services québécois qui auraient pu être affectés là, par le bug. On parle, bien sûr, il y a l'Agence du revenu du Canada, on sait que ça l'a passé aux nouvelles. Oui. Les banques canadiennes, comme on disait, n'ont pas été affectées. Aucune des grandes banques canadiennes, incluant Desjardins, okay, ont été affectées par le bug. Donc, c'est pas nécessaire de changer les mots de passe dans ce cas-là. Et puis, contrairement à l'Agence du revenu du Canada, Revenu Québec n'a pas été affecté par le bug non plus. Okay. Donc, il n'y a pas rien à s'inquiéter là, pour Revenu Québec. Sinon, au niveau des médias sociaux, des grands sites, Facebook, c'est pas très clair. Facebook, c'est pas déterminé clairement, mais ils recommandent de changer votre mot de passe. Quand il y aurait même eu des ajustements faits sur le serveur pour ça. Twitter a pas confirmé s'il avait été attaqué ou non. A confirmé qu'il y avait eu des correctifs appliqués sur le serveur, mais a pas recommandé de changer le mot de passe. Instagram, oui. Instagram, oui, ça a été affecté. Le mot de passe, on devrait théoriquement le changer. Gmail, Pinterest, ça a été touché. Oui, aussi. LinkedIn, ça n'a pas été touché. Pas du tout. Tumblr, ça a été touché. Finalement, on dirait que c'est les plus petits services qui... Plus petits services, il y a Google. Tous les services Google qui ont été touchés. Ouais. Ça fait mal, par contre. C'est ça qui sont utilisés par plusieurs. Donc, quand on parle de Google, on parle YouTube, on parle Gmail, Google Maps, Google Plus. Donc, c'est quand même une grosse partie de l'Internet. Tout à fait. Il y a Wikipédia qui a été affecté aussi. Oh, OK. Qui est un Wikipédia à la base, c'est un logiciel open source. Donc, on s'en doutait un peu qu'elle allait utiliser des logiciels open source là, en totalité là, sur leur serveur. Donc, effectivement. C'est peut-être recommandé de changer votre mot de passe sur ce site-là aussi. Mais là, on est juste nous trois et 500 000 auditeurs. Ouais. Avez-vous changé vos mots de passe, vous autres? Non. Moi non plus. Certains. Ouais? Ouais. Pas moi. Okay. Ceux d'Apple n'ont pas besoin d'être changés. Parce non, qu'on Apple n'a pas été affecté par Apple. Donc, ils n'ont pas été effectivement affectés. Est-ce qu'on peut vous suggérer, j'ai vu ça comme suggestion sur un site ce matin, si vous voulez vraiment être sûr, changer votre mot de passe. Et puis, il y a certains services comme Google, Dropbox l'offre maintenant, Dropbox en passant qui a été affecté. On l'a pas mentionné. Dropbox l'offre, je pense que Twitter l'offre aussi, c'est l'authentification à deux facteurs. Oui. Donc, si vous rentrez votre mot de passe, c'est une première chose, puis vous rentrez un code qui vous est envoyé là, par le service, là, un code numérique, là, habituellement. Pour... Soit ça, ou il y a maintenant des applications comme Authenticator par Google, qui est un espèce de porte-clés. C'est ça. Mais en application, et vous ouvrez ça. Battle.net a ça aussi maintenant pour protéger les comptes, les comptes Diablo World of Warcraft. Qu'est-ce qu'il y a, Jean-François? Non, c'est bon. OK, excellent. Au niveau de Hotmail, ça n'a pas été affecté. Non, c'est ça. Non, Microsoft n'a pas été affecté. Si vous voulez, si vous utilisez Chrome comme navigateur, il y a une petite extension que quelqu'un a publiée. Ça s'appelle, vous cherchez dans le web store de Chrome, Je pense que c'est Chrome Bleed, en fait. Oui, ouais. Je pense que c'est ça, oui. Fait que vous l'installez, puis quand vous allez sur un site, puis il vous dit, ah, ben le site n'a pas été patché, mis à jour. On rappelle que c'est pas un virus, non, c'est vraiment virus. Une faille de sécurité. Non, c'est ça. Il y a rien qui va rentrer chez vous, là. Non. Fait qu'il y a absolument rien qui va rentrer chez vous, là. Aucun cheval de Troie et virus, c'est... Et là, en fait, même quand c'est, même quand normalement on crée des mots de passe, on a de la difficulté à s'en rappeler. Donc, si vous avez à changer tous vos mots de passe d'un seul coup, on vous suggère, en fait, il y a en ce moment 1Password qui est en solde à 50% de rabais sur iOS et OS X. Donc, ça revient à 8,99 ou à 24,99 pour le logiciel. On vous rappelle qu'il existe aussi un produit qui est fait au Québec qui s'appelle Passbox. C'est ça? Password Box, ouais. Qui est développé au Québec et qui peut être très intéressant pour se souvenir de ses mots de passe. La très attendue iWatch, on en parle depuis le cadran solaire, en fait, j'ai l'impression. Je commence à penser ça, là. On en parle peut-être un peu trop. Là. On en parle beaucoup au conditionnel, donc c'est ça qui commence à être fatigant. Pas mal, ouais. D'abord, juste pour remettre les choses en perspective, le téléphone intelligent, le téléphone cellulaire est un segment de marché qui va en grandissant, qui est exponentielle. La montre, même si on y trouve plusieurs utilités, reste un produit de luxe, un produit plus qui va flatter l'ego, ou en tout cas, c'est ce que c'est en ce moment. Il y a de moins en moins de gens qui utilisent une montre, même si on leur offrait 2, 3 ou 25 nouvelles fonctionnalités. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui ont un iPhone et qui l'utilisent juste pour téléphoner, tu sais, parce que c'est cute, puis tout ça, puis bon, c'est facile parce que tu touches à l'écran. Oui, ça pourrait, comme je l'ai dit dans un show précédent, être une révolution pour ce qui est de la santé. Ça pourrait éventuellement faire monter l'âge moyen que je disais au dernier show. Mais là, on est en train de voir, en fait, des espèces de rumeurs bizarres comme quoi la iWatch serait vendue sous le modèle du téléphone cellulaire et cofinancée par les compagnies d'assurance qui veulent votre bien et qui l'auront. Ben, ouais, vas-y. En tout cas, moi, je trouve ça bizarre, là, ça, cette chose-là. Là, c'est beau que mon assureur là, soit capable de dire dans mon auto que j'ai fait une accélération brusque ou que j'ai fait un freinage brusque ou que j'ai conduit la nuit, que ça pose plus de risques. Mais de là, à savoir que mon assureur, pour m'offrir une assurance vie ou quelque chose du genre, va pouvoir avoir accès à des données sur ma santé. Ça va ressembler plus à une menotte qu'à d'autres choses. C'est pas mal plus une invasion dans ma vie privée, ça, que de savoir là, que mon assureur auto sache que j'ai conduit à 3h30 du matin un jour. Ouais. Même si dans les publicités de Ajusto, la petite rouquine semble ne pas avoir de problème avec le fait qu'on l'écoute dans sa voiture. Elle rentre puis elle veut prendre la meilleure attitude possible avec ses collations santé. Moi, ça me fait peur qu'elle accepte ça. Qu'elle accepte que tu mets un gugus pour économiser 25 % de ton assurance. C'est même pas tant que ça. Jusqu'à 25 %, c'est ça. Moi, j'ai hâte de voir s'il y en a un qui l'obtient, le 25 %, le chauffeur. Ben, je l'ai fait venir, le gugus. Moi, je suis avec la personnelle assurance générale. Ça s'appelle Imétrique, quelque chose comme ça. Okay. En tout cas, mais c'est la même chose qu'à Justo. L'as-tu reçu? Oui, je l'ai reçu, mais je l'ai pas installé. Parce que il faut qu'on colle du velcro, puis j'ai pas le goût de coller un morceau de velcro dans mon auto. Dans son char. Parce que c'est permanent, là, quand même. Mais j'aimerais ça, juste l'essayer, voir à quelle facilité on peut obtenir un rabais avec ça. C'est quoi un freinage brusque puis une accélération brusque pour ma compagnie d'assurance? Mais qu'est-ce qui est collecté par les compagnies d'assurance? Ils savent-tu où tu vas? Non, ils savent où tu vas parce qu'il y a un GPS là-dedans, mais ce qu'ils utilisent pour générer le rabais, c'est le moment de la journée où tu conduis, parce que t'es plus à risque finalement si tu conduis soit pendant l'heure de pointe ou la nuit, tandis que t'es moins à risque la fin de semaine pendant la journée, là, mettons. Okay. Ils calculent le nombre de freinages et accélérations brusques. Mais comment qu'ils le savent? C'est branché dans le port au BDI de ton auto, c'est le port de diagnostic, puis t'as accès, ce port-là donne accès à la vitesse. C'est ça. Ah, je savais pas. Okay. Puis j'imagine qu'avec le GPS, ils peuvent déterminer là, la distance de ton freinage. Ils savent où tu vas parce que sur le site web, là, c'est marqué, tu vois tous les événements de ta journée, puis là, tu as vu freinage brusque, là, puis ils te montrent exactement l'endroit où tu as fait ton freinage brusque. Est-ce que dans le contrat, ils marquent, ils peuvent revendre les informations qu'ils reçoivent? Je sais pas. Si, mettons, là, tu t'en vas chez Walmart, puis là, après, tu t'en vas chez Target. Puis après, t'es fait tout. Ils peuvent-tu revendre? Tu sais, genre, OK, il a été chez Walmart 3 fois dans la semaine, il a été chez Target 1 fois dans la semaine, il va plus souvent. Tu sais, je veux dire, ça va aller jusqu'à où, là? Tu sais, pour sauver 25%? Mais c'est pas la compagnie d'assurance, c'est pas la compagnie d'assurance qui récolte les informations, c'est la compagnie qui produit... Ça doit être comme Hydro-Québec, qui reçoivent les informations de nos comptes intelligents aux États-Unis. C'est la compagnie qui produit le bidule, c'est une compagnie ici à Montréal qui reçoit les informations. Puis tout ce que... C'est cette compagnie-là qui calcule le rabais, tout ça. Puis la compagnie d'assurance, tout ce qu'elle reçoit, c'est que c'est rabais de 25%, rabais de 12%, rabais de, le pourcentage de rabais. Ça serait pour voir aussi la feuille de calcul, comment ils font pour calculer. Ouais. Tu sais, mettons, si tu fais deux freinages brusques... Ben en fait, c'est ça. Ça t'enlève les barèmes, 5. Les barèmes ne sont probablement pas donnés. C'est ça. Donc, tu l'obtiens comment? Tu sais, tu conduis tout le temps bien, puis là, ça augmente. Mais si je conduis tout le temps bien, tu me donnes mon 25%, puis c'est tout. Tu sais, j'ai pas besoin de le faire monter ou... C'est pas... En fait, ça devrait pas être dans le temps. Ils disent un genre de barème. Le kilométrage que tu fais dans l'année compte pour 10%. OK. Peut te faire sauver jusqu'à 10%. Donc, si tu fais moins de 15 000 kilomètres par année, tu sauves plus. 15 000? 15 000. C'est pas 20 000? C'est supposé être 20 000? Mais pour ton assurance, si t'es à faible risque, tu fais moins de 15 000 à peu près. Okay. Mais apparemment, le kilométrage régulier dans une année, c'est de 20 à 25 000. OK, c'est bon. Accélération et freinage brusque, ça compte jusqu'à 10 % aussi. Donc, ceux qui textent au volant, là, prenez pas Ajusto. Pourquoi? Prends les bonnes. Ben, parce que là-dessus... Ouais, tu breaks à la dernière minute, là, ouais. Puis les heures de déplacement peuvent faire sauver jusqu'à 5 % Bon. Ça va être quoi la prochaine étape? Un breathalyzer dans l'auto? Je sais pas. Si tu souffles. Mais... Je suis pas sûr que je trippe sur la direction. Mettons, après combien de temps faut que tu leur mettes le bidule? tu le gardes après un an, là, t'as ton rabais. Mais avec Desjardins, c'est après un an que t'as ton rabais. Je sais que Bel Air Direct en a un, c'est après 6 mois que t'as ton rabais. OK, fait que faut que tu le gardes, mettons, chez Desjardins pour un an. Tu le gardes tout le temps si tu veux le rabais. Ouais, c'est ça. C'est parce que l'autre année d'après, si tu l'as pas gardé, t'auras pas ton rabais. Là, tu vas repayer ta prime complète. C'est tout mais le avec, temps. Là, avec Bel Air Direct, de la façon qu'ils le présentent dans l'annonce, c'est qu'après 6 mois, tu peux enlever le bidule, puis tu le renvoies, puis tu vas continuer à sauver ton rabais. Ah, quand même, pour 6 mois. Le Touch ID qui pourrait faire son apparition sur le iPad Air et iPad Mini dès cette année, ben, c'est pas réellement une nouvelle. Apple a l'habitude, en fait, de tester ses nouvelles fonctionnalités sur le iPhone, qui est, si tu veux, le fer de lance, le petit concentré de technologie. Et puis après ça, c'est monté sur la tablette. J'espère c'est qu'ils vont le mettre plus sécuritaire, parce qu'il y a beaucoup de failles qu'on peut utiliser. On peut prendre n'importe quoi pour un Touch ID. Ben, qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que c'est nécessaire que ça soit aussi sécuritaire que ça? Ben, je veux dire, ils te le vendent pour la sécurité. Ben, ils te le vendent. Je pense plus qu'ils le vendent pour la facilité d'accès. Peut-être, en fait, mais sauf que... Parce que là, il y a un problème. Parce que sur Android, le S5, ouais, l'application PayPal, tu peux payer avec ton doigt. Ouais. Mais uh-huh, ça rentre direct dans ton compte. Mais ils ont trouvé une faille. Il y a une faille dans le Touch ID du S5. Ouais. Qui est le même que l'iPhone 5S. Ben, c'est sûr que là, ça mériterait d'être plus sécuritaire, mais parce que Samsung laisse les développeurs accéder au Touch ID. Tandis que sur Apple, ils n'ont pas accès. iOS, c'est seulement pour faire des achats sur l'iTunes Store ou pour débarrer ton téléphone. Sauf que ça s'en vient dans la prochaine version de iOS 8. Tu sais, mettons, je donne PayPal, ça peut être n'importe quoi. Là. Mm-hmm. Mais il faudrait vérifier aussi. Mais je pense que la raison pour laquelle Apple n'a pas donné dès l'introduction, c'est pour pouvoir ramasser des données, voir si ça fonctionnait. Est-ce que ça tient le coup? Est-ce que en utilisation là, de tous les jours, là, avant que 7.1 sorte, là, on commençait à trouver qu'il était comme moins efficace un petit peu. Il y a des gens qui s'en plaignaient. Depuis 7.1, ça fonctionne, ça refonctionne bien, même mieux. Et on sait aussi que l'endroit où est stockée cette information-là, c'est une partie dans la puce A7. Est-ce que c'est fait de la même manière? Tu sais, je veux bien que le lecteur soit le même sur le S5. Est-ce que c'est encrypté puis est-ce que c'est stocké de la même manière sur le Samsung? Si les autres applications y ont accès, comment c'est fait? Est-ce que c'est simplement ça dit oui ou non? Ou en fait, tu sais, y a-tu un middleman? Y a-tu comme une puce, c'est-à-dire sur Apple, si c'est stocké puis tu mets ton doigt, est-ce que c'est le téléphone qui dit OK, système d'exploitation te dit que oui, effectivement, c'est la bonne personne, tu peux accepter, mais il n'y a pas de transmission de données directes qui sont faites à l'application autre que oui ou non. Mm-hmm. Tu sais, quelque chose comme ça. Donc, on pourrait éventuellement, parce que, bon, quand ils vont annoncer le nouveau téléphone en octobre, il va probablement avoir une amélioration du Touch ID, on pense. On pourra regarder à ce moment-là avec des développeurs de la manière que c'est implanté. D'ailleurs, on a vu une espèce de timeline là, où, cette année. C'est un gars qui a en fait mis des points sur les journées où est-ce que les produits ont été lancés l'année passée. Puis là, ben, il a marqué 2014 au lieu de 2013. Donc, il a mis l'iWatch à quelque part. C'est, ouais, le c'est plus ça. Gros iPhone à quelque part. Là, c'est ça. Fait que rien d'impressionnant. Il s'est donné du lousse. Puis là, il va pouvoir dire « Regardez, je vous l'avais dit, je suis tellement hot. » On va en faire une, nous autres, aussi. C'est quoi, en octobre? Le 1er novembre, on fait le timeline pour 2015. Pour 2015. On va te sortir ça. Tu vas voir, nous autres aussi, on va passer dans tous les sites web. La WWDC 2014 qui a été annoncée. On sait que les billets l'an passé se sont écoulés en moins d'une minute. Ouais, ça faisait 3-4 ans là, que c'était comme ça. Là. C'était en bas de 10 minutes là, pour la vente des billets. Effectivement. Donc, cette année, Apple a décidé de faire une loterie. Donc, on pouvait s'abonner si on était développeur. Et à ce moment-là, on recevait un email qui nous disait « Vous avez été pigé. Vous n'avez pas été pigé. » Les Ce que ça faisait, c'est que les développeurs qui étaient dans des compagnies pouvaient s'inscrire à plusieurs. Mm-hmm. Ça donnait plus de chance aux développeurs d'y aller parce que ce qu'on remarquait plus les années avançaient, c'était du monde qui allait pour le fun là, des fois. Là. Ouais. Mm. Ou en vacances. Quoi? Pourquoi tu m'en regardes de même? Il y a du monde qui allait en vacances. Ah ouais. Non, c'est des vacances le fun, mais c'est juste que c'est une conférence pour les développeurs. Oui, ouais. Exactement. C'est ça, c'était une conférence de développeurs. Quoi? Passons. Mac Québec, on a regardé si il y a quelqu'un du groupe, Pierre Rochon, qui a fait l'application, en l'occurrence. Malheureusement, il ne sera pas disponible pour y aller, malgré qu'il avait gagné la loterie. Donc, il pouvait acheter un billet. Il a décidé de passer son tour cette année. Ah. On est en train de regarder si on va avoir quelqu'un. Un contact. Peut-être Jean-Michel à San Francisco cette année, peut-être. Ben ouais, peut-être. Ouais, ça pourrait être cool. Ouais, ce serait pas pire. Voilà. Apple, en fait, on a souvent reproché à Apple de rien faire pour les gens dans le besoin et tout ça. Apple, qui, depuis l'avènement des produits Red Product, a remis $70 millions à cette fondation-là. Mm-hmm. Si je me trompe pas, le premier produit Red, ça a été un iPod. iPod U2, je pense. Ça comptait-tu là-dedans? Je sais pas si le U2 comptait dans ça. Non, je pense que c'est le iPod qui ont sorti à un... C'était pas loin de Noël. Ils ont sorti un iPod rouge qui était un Red Product à ce moment-là. Donc, ça fait quand même quelques années. C'était un iPod mini, celui qui était long. Pas encore avec des caméras dessus à ce moment-là. Le iPod mini? Non, c'était un nano. Le premier, comme l'iPod nano deuxième génération. Je pense. Ouais, le premier qui était en couleur. Là, il avait. Ouais. Voilà. Je vais aller voir si je suis capable de trouver. Sinon, petite curiosité, il y a des gens qui se sont rendus compte que dans Windows Phone 8.1, il y a le support du Passbook. Et on ne comprend pas nécessairement trop pourquoi ça. Le Passbook, c'est une norme propriétaire qui appartient à Apple. Puis on ne comprend pas trop pourquoi puis comment on pourrait prendre le produit. Quoique, ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas qu'on peut prendre le produit, c'est qu'on peut juste lire les cartes Passbook sur notre iPhone avec un, avec un Windows Phone. Il est capable de lire. Mettons, tu y affiches un Passbook, tu le téléphone, tu prends. Ah, tu le lis, OK. Il est capable de le lire. Il n'y a pas l'application Passbook. Là. Ça fait juste dire, mettons, au cinéma, je parle. Là. Je m'en vais au cinéma demain soir à 7h30. Mais là, tu le scannes puis tu vas le voir sur le Windows Phone. OK. Mais il n'y a pas l'application dédiée pour ça. Là. C'est juste. Mais il faut quand même que les ingénieurs de Windows aillent rétro-ingénierer le Passbook pour pouvoir le lire. C'est ça. C'est un petit peu bizarre. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire avec ça, mais. Mais ils ne feront rien. Ça doit être copyrighté par Apple. Ils doivent avoir un. Programmeur. C'est sûr. Là, les énerver un peu. Mais non, c'est ça. Ça a sorti hier quand la nouvelle mise à jour de pour les développeurs 8.1 du Windows Phone. Bon. Sinon, si vous êtes sur le marché pour regarder pour une nouvelle version de Office, sachez que le Mac n'en a pas encore. Mais il me semble que la date, c'était le mois d'avril. C'était bien. C'est cette année. Là, ça, on serait dû cette année si on se fie aux versions précédentes. C'est sûr que c'est Office 2014, si on le sait. Mais on avait entendu dire que ce serait en avril, ou en tout cas, il y avait certaines rumeurs qui le donnaient pour avril. Ouais. Office 365, qui est une version personnelle de Office, à $69 par année, quand même $30 de moins que l'autre version, qui, on le rappelle, peut s'installer sur 5 ordinateurs. Donc, la version à $100. À $100 sur 5 ordinateurs. Autant version Mac que PC. Mm-hmm. On rappelle dans les termes d'utilisation que c'est dans la même maison. Ouais. Mais maison, planète, clair. Ouais, non, c'est comme. Ça peut être province. Province, ville. Voilà. Ville, ou cercle d'amis. C'est ça. Oui, exactement. Donc, on crée un compte, on s'achète ça, puis on a Office pour 20$ chaque. Hein. Pour 20$ chaque, exactement. Non, mais c'est vrai, la seule affaire, par exemple, c'est que si la personne fait ça, c'est une adresse de courriel et on voit ce que, mettons toi, ce que tu écris sur Office. Ouais, non, on t'en crée une nouvelle puis tu mets le compte dessus. Là, tu fais groupe d'amis @outlook.com. Ouais. Tu te crées une nouvelle adresse laquelle c'est ça. Voilà. Durant les dernières semaines, comme je l'ai dit, je pense au dernier podcast, j'ai joué un peu avec Office 365, puis c'est pas tout le temps évident, là. L'endroit où il faut aller, il y a des versions d'essai, il y a, t'ouvres un compte, t'as besoin absolument, puis ça me... Y a-tu quelque chose, d'évident chez Microsoft? C'est compliqué. Leur parce souris? Que... Ouais, c'est ça. Parce que quand on l'a eu l'année passée, moi puis Alexis, on l'a activé ici, puis fallait que tu retélécharges une version... La version personnelle Home, là, Home Student. Là. Puis là, le 365 est activé. Tu sais, tu remplis ton email, ton mot de passe. Mais dans la version qu'on a physique là, d'Office 2011, il n'y a aucune option, même avec la dernière mise à jour, de te connecter à Office 365. Ouais. Fait qu'il faut que tu retélécharges. Tu sais, mettons, tu achètes ta boîte là, à 100$. Okay, ouais. Tu actives le code sur le site, mais tu peux pas garder la version que tu as. Il faut que tu t'aies une autre version. C'est une autre version séparée. Une version identique, mais. Ouais, pas avec, pareil. Okay. Avec Office 365. Okay. Fait que, c'est pour ça que pour l'instant, ça va pas. C'est compliqué un peu pour moi. On rappelle que l'abonnement à Office 365 offre aussi la possibilité d'utiliser Office, en fait, les applications d'Office sur iPad, Word, Excel, ouais, ça, il y a deux semaines. iPad. Mm-hmm. Ça fonctionne très bien. On dit pas que ça fonctionne mal, là, mais c'est juste le moyen de s'y rendre au produit qui est c'est compliqué là. Tu sais, chez Adobe, c'est plus facile que ça. Là. Tu sais, c'est comme tu as une version du produit. C'est ça. Mais eux autres aussi. Ouais, mais il y a juste une version là, du logiciel. Là, ben c'est non, la mais même, Adobe, ils en ont bien plus. Ils n'ont pas juste CC, ils ont CC photographe, ils ont CC étudiant. Ouais, c'est ça, mais c'est juste des variations de licence. C'est comme Office 365 Home, Office 365 personnel. C'est la même version de Microsoft Word pour Office 365, mais. Ouais. C'est ça. Ouais. Mais c'est quand même bien, là. Tu sais, je veux dire, ça fonctionne bien. J'ai hâte de voir la 2014, comment elle va être, là. Fait que. Peut-être qu'elle va peut-être sortir plus tard, attendre après le nouveau système qui s'en vient. Parce que là, s'il va je pense pas. Non? Parce que là, on a vu des screens. Ben, la version 2011 qu'on a présentement est sortie au printemps aussi, je pense. Là. Hein? Ben non, c'est ah, OK, je pensais l'année passée. Non, elle est sortie avant la WWDC, là, avant le système là, d'exploitation. Ouais. Ça fait deux ans, ça? Ça roule? Trois ans, oui. Ouais. C'est en 2010, vu que c'est 2011, ouais. Ouais, c'est ça. J'allais vous parler d'une nouvelle application qui est un émulateur de Nintendo DS. Ah oui, j'ai vu ça passer. L'as-tu essayé? Je l'ai pas essayé. Je l'ouvre depuis tout à l'heure, puis ça plante, fait que je vous en parlerai pas. Mais c'est pas sur iPad seulement? Peut-être. Il y a Maxime Tremblay qui dit on va surveiller. Surveille tes commentaires, je te surveille en direct. OK. Bon, ben, okay. On parle. On n'a même pas parlé tant que ça. Non. qu'est-ce que je voulais. Ça marche pas le NSD, je sais pas quoi. Ouais, c'est ça. OK, je l'ai vu passer, mais j'ai pas eu le temps. Là, en tout cas, si vous voulez l'essayer, téléchargez-le assez rapidement parce que ça fera pas. Ça fera pas longue vie. Là, ouais. Non. Ben, en fait, je sais pas comment ils pourraient empêcher parce que tu le télécharges directement du site web. Tu passes pas par iTunes pour l'installer. Ouais, mais ça doit installer un certificat, cette affaire-là. Fait qu'à un moment donné, Apple vont dire ils vont bloquer le certificat, puis merci, bonsoir. Là. Mm-hmm. Fait que... Effectivement. Il y avait une autre application aussi qui... on est dans les découvertes. Il y a une autre application que j'ai téléchargée cette semaine ou que j'ai voulu télécharger qui s'appelle BillGuard. C'est un money tracker et un logiciel pour les finances personnelles. Ce qui est intéressant, puis là, c'est à voir si vous faites confiance à cette compagnie-là, mais dès qu'il y a quelque chose qui est fait sur votre carte de crédit ou sur votre carte de guichet, vous avez une notification. Ce qui fait que ça peut aider à essayer de pogner les fraudeurs un petit peu plus rapidement. Ben, Equifax fait le même. C'est vrai? Ben oui. Okay. Equifax, mettons, là, tu te fais prendre ta carte de crédit là, par Pierre Jean-Jacques qui vole ton numéro de l'assurance sociale. Là, puis Equifax met une note. Si tu achètes quelque chose en haut d'un certain montant, il t'appelle. Automatiquement. OK. Pour savoir si, mettons, au Apple Store, je m'en vais m'acheter un MacBook Pro avec ma carte de crédit. Tu passes ta carte de crédit, ils vont t'appeler. C'est pas autorisé tout de suite. Je dis, Monsieur Roy, est-ce que c'est bien vous qui êtes au Apple Store? Oui, c'est. Ils font ça aussi, là. Mais. Moi, j'ai un client qui est allé au Apple Store récemment et il avait l'argent sur sa carte de guichet. La banque avait autorisé pendant 24 heures une transaction excédant 1 000 $ et ils n'ont jamais voulu faire la transaction au Apple Store. Le faisait, Apple Store? Oui, à Québec. Pourquoi? Okay. Et ils ont, parce que ce qu'ils lui disaient, c'est qu'il faut un money order là, ou un chèque visé. Un mandat de poste? Visé, ouais. Ils voulaient pas, faire la transaction sur la carte de guichet. Hey, ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit. En plus, ils n'ont pas le droit de refuser de faire la transaction. Le terminal va dire que la transaction est refusée, mais le marchand n'a pas le droit de refuser la transaction. Hmm. Faites une plainte Interac, ils vont perdre leur licence d'utiliser le réseau Interac. Ben, tu appelles l'option, tu appelles la protection du consommateur, tu appelles n'importe où. Là. C'est pour la même raison. Les marchands ont droit de dire un montant minimum pour Interac. Ouais. Mais s'ils sont marchands Visa, Mastercard ou Amex, dans les conditions de leur entente marchand avec Visa, Mastercard ou Amex, ils n'ont pas le droit d'exiger le montant minimum. Non. Donc, si le marchand a comme 5 $ minimum pour Interac, mais qu'il accepte aussi les cartes de crédit, le montant minimum de 5 $ s'applique pas sur pour les cartes de crédit. Hey, moi, j'aurais pogné une heure. C'est clair. Hey, je m'en viens de crisser 3 000 $ dans le cul, là, puis tu veux pas. C'était ben, pas tu 3 000. Vas... Il voulait quoi? C'était 12 000. 12 000? Il venait de s'acheter un Mac Pro. C'est pas au marchand de. C'est pas au marchand à décider. C'est pas normalement, marchand. En fait, si tu vends un ordinateur qui peut être ce prix-là, hey, attends-toi à ce qu'il y ait du monde qui vienne l'acheter, tu sais. Tu sais, c'est pas tout le monde là, qui ont 12 000 $ de carte de crédit d'ouvert, là. Non. Tu sais, mettons, toi, t'en veux un. Yeah, c'est 3 000 $ là. Tu sais, je veux dire, OK, moi, je changerai un petit peu une coupe d'affaires, mais ça coûte quand même 4 000 là. Ouais. Tu sais, faut que tu l'ailles 4 000 dans ta carte de crédit, là. M'excuse, mais si je l'ai dans mon compte de banque, moi, tu fais ce que je veux avec mon compte de banque puis l'argent que j'ai dedans. Puis en plus. Fait que moi, je suis pas sûr qu'il y ait. En tout cas, je sais pas exactement qu'est-ce qui a pu se passer. Qu'est-ce qui a pu se passer là-bas, mais je sais qu'il y a des gens du Apple Store qui nous écoutent. Vous pouvez nous lâcher anonymement un petit email. Je ne sais pas si c'est une pratique normale là-bas de dire non, on ne prend pas les paiements au-dessus d'un certain montant, mais normalement, en fait, c'est bizarre. Je ne sais pas pour quelle raison, en fait, c'est peut-être ils ne voudraient pas quelque chose comme ça. Hey, voyons donc. Hey, ouais. J'aurais pogné une heure. C'est clair. Ouais, j'aurais pas. Ils peuvent pas. Ah non, ils peuvent pas. C'est clair qu'ils peuvent pas refuser le paiement. Ils peuvent exiger. Mais c'est un paiement par carte. C'est pas un paiement par argent. Ils peuvent exiger, vu que c'est 12 000 $ ils peuvent exiger 12 000 $ cash ou bien 12 000 $ comme ça. Mais si c'est pas une de leurs pratiques, s'ils font juste ça par crainte là, de se faire frauder, ils n'ont pas le droit de le faire. Moi, je me dis, j'aurais bien plus peur avec 12 000 $ dans mes poches que 12 000 $ ouvertes dans ma carte de débit. Ouais, c'est ça. C'est clair. Ouais, c'est sûr. Tiens, en plus, il faut que tu appelles à ta banque, là, que ce soit Desjardins, ouais. Banque de Montréal, il faut que tu appelles. Pour le faire. Ben oui, ils ne trouvent pas 12 000 $ dans même. Hey, c'est bon. J'ai fait une transaction avec ma carte de débit à Plattsburgh l'autre jour. C'était 15 $, là, même pas. Je touchais McDo, mais ça faisait comme 8 $ à peu près. Là. Ma banque m'a téléphoné le lendemain matin. Pour savoir si à 8 h le lendemain matin, avez-vous fait une transaction? Puis, m'appelez-vous vraiment pour ça? Là? C'est 8 $ à Plattsburgh, là, pas 1 500 $ au Pérou. Là, comme je comprends que vous commenciez à vous inquiéter, là, mais. Ils t'ont appelé. Ils m'ont appelé à 8 h le matin, là, à l'ouverture de la banque. La première affaire qu'ils ont faite, ils m'ont appelé pour savoir si j'avais autorisé 8 $ sur ma carte de débit à Plattsburgh. C'est du zèle, c'est ça du zèle. Sinon, il y a quelqu'un qui a probablement fait une blague, mais Amazon a lancé le Fire TV. C'est ce qui est écrit dans mes notes. Fait que, c'est quoi le Fire TV? Vas-y donc. C'est un espèce de Apple TV, mais fabriqué par Amazon, qui a la particularité. Ce qui est intéressant, si vous êtes membre Prime aux États-Unis, vous pouvez accéder au service Amazon Instant Video sur votre télé maintenant, là, ce qui n'est pas possible avec l'Apple TV, mais ce qui est possible avec plusieurs télés, dont les télés Sony, là, je sais, la télé Samsung aussi. Il y a certaines caractéristiques qui peuvent paraître intéressantes, là, dont la télécommande, qui est une télécommande à radiofréquence, donc ce n'est pas une télécommande à infrarouge comme ce que vous êtes habitué d'utiliser. Là, vous n'êtes pas obligé de pointer directement l'appareil. Là, vous pouvez l'utiliser, mettons, là, vous êtes sur votre divan, vous avez une couverture sur vous, vous utilisez la télécommande en dessous de la couverture. Aussi, il y a un système, une espèce de système de commande vocale qui apparemment c'est ce qui vient faire perdre comme de l'intérêt là, aux gens. Là. Ça fonctionne pas très bien selon les tests là, qui ont été effectués aux États-Unis. Là. Donc, c'est pas tout le monde qui... C'est pas tout le monde qui aime le fait. Ouais, c'est ça. Mais entre nous trois et nos 5000 auditeurs, y a-tu moyen d'avoir Prime aux États-Unis, ici, au Canada? Avec une carte de crédit canadienne, tu peux t'acheter Prime aux États-Unis. OK. Mm-hmm. Fait que je pensais que, ça prenait une carte de crédit USA pour même avoir... Pas, ah, ouais? Puis là, après, tu te logues sur, mettons... Mais ça, si tu payes 79$ pour l'année, t'as accès à un certain contenu vidéo. OK. T'as accès au lecteur d'MP3 en ligne si jamais t'achètes ta musique sur Amazon.com. OK. Mais pour les autres avantages de Prime, donc l'expédition gratuite, c'est aux États-Unis seulement. Si tu peux pas l'avoir au Canada, ça les deux... Les deux pays se communiquent pas ensemble pour le Prime. Tu dois avoir ton abonnement Prime canadien à 79$, plus ton abonnement Prime américain qui est rendu à 100$, je crois. Hey boy! Ils ont augmenté, ouais. Mais ça revient quand même à peu près quoi, 8$ par mois. Là, c'est le gaz pour les drones là, qui s'en vient. Là. Ouais. Non, mais c'est pas non, ça. Non, mais c'est parce que ça coûte cher aux États-Unis parce que vu qu'ils doivent envoyer en 2 jours, ça veut pas dire que l'item que tu commandes, ils vont l'avoir à l'entrepôt le plus proche de chez vous. Donc, ils pourront pas nécessairement l'envoyer par la poste régulière. Ils vont peut-être l'avoir, si tu restes dans le nord de l'État de New York, ils vont l'avoir juste dans un entrepôt en Californie. Ils vont être obligés de te l'envoyer par UPS, en avion. Là, ça coûte pas mal plus cher. Là. Effectivement. OK. Mais quand même, il y en a. Ça s'en vient. On va continuer à parler un petit peu de ça. Il y a beaucoup de choses maintenant qui peut être connectées aux télévisions. Tu sais, il y a le Chromecast. Mm-hmm. Ouais. Chromecast, par exemple. C'est disponible au Canada maintenant. Je pense que je vais me le faire venir. Ouais. 39$, là, pas cher. Là. Non. Mais là, tu vas avoir ta Nexus 9 ou ta Nexus 7. Là. Ouais, ouais, mais je vais acheter ma Nexus aussi. Mais je veux dire, juste le Chromecast. Puis comme l'Amazon Fire TV, ouais. Tu sais, il y en a beaucoup de produits qui s'en viennent. Tu sais, quand même, ça s'en vient, là. Internet, toute la patente. Puis je checkais les caractéristiques de l'Amazon et c'est Apple, t'es mieux de sortir quelque chose parce que tu vas te faire manger. Oui, il y a des applications. Il y a des applications sur, sur l'Amazon. Ah, okay. Ils donnent des jeux. Ce qu'il n'y a pas sur l'Apple TV, mm-hmm. On est comme avec Apple, on attend que les applications soient développées par Apple, mais encore là, c'est juste des services de vidéo où maintenant on a la météo, je pense, là-dessus. Là. Mais sur Amazon, il y a vraiment une bibliothèque d'applications qu'on peut télécharger. Là. Les développeurs développent spécifiquement pour le Fire TV. Mais c'est ça. Le Chromecast aussi. Chromecast, de toute façon, c'est avec Chrome. Fait que toutes les applications de Chrome fonctionnent sur le Chromecast. Mais Apple sont venus de sortir quelque chose. Tu sais, comme qu'on disait dans les autres shows, moi, je m'en fous qu'ils sortent une autre petite boîte de même. Moi, j'en veux pas de TV, là. J'en veux pas de ça, là. J'en veux. Une grosse TV, une grosse TV dire... à Apple, j'en veux pas. Je veux pas de Apple iTV. Non, je ne veux pas. Je vais pas changer ma télé à cause de ça. Non, je changerai pas. C'est ça, tout le monde a déjà une TV, puis c'est quand même, une bonne TV, c'est quand même 3000$. Ouais. C'est pas tout le monde qui a... On a une TV chez nous, on l'a achetée cette année, on a déménagé, on s'est acheté une nouvelle télé. On dépensera pas un autre 3000$ pour acheter une nouvelle télé encore, là, parce qu'Apple... a décidé de sortir une 4K. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est comme si Apple sort un nouveau MacBook Pro à chaque année. Mais le MacBook Pro, c'est pas quelque chose que je change à chaque année comme je change mon iPhone. Mm. Parce que changer mon iPhone, ça finit que ça me coûte rien en négociant mon contrat. Mais changer mon MacBook Pro, c'est quand même 2500$. Non, 2000, là, ouais, 2000, ouais. Ouais, en 15 pouces. Ouais. Mm-hmm. Mais c'est ça. Fait que non, il va falloir qu'Apple, peut-être au WWDC, ils vont nous sortir une petite boîte miraculeuse. Là. Ça serait cool. Ça serait le fun. Un petit Mac mini de la grosseur d'un Apple TV, mais plus épais. Mm-hmm. Oui, ça pourrait être ça. C'est peut-être pour ça aussi que le Mac mini n'a pas été mis à jour encore. Peut-être. Tu sais, ils vont peut-être intégrer, tu sais, comme la première version du Apple TV avec le disque dur intérieur qu'il y avait. Tu sais, ils vont peut-être merger le Mac mini et le Mac mini peut-être un peu sous la forme du Mac Pro, là, une espèce de cylindre, une espèce de carré. Ouais, parce que là, ils sont tous rendus même, parce que le Time Capsule puis le Extreme, ils ont tous rendus ronds, carrés. C'est ça, une espèce de petit carré fait sur le long que tu pourrais brancher à ta télé ou brancher à ton écran d'ordinateur qui fitterait autant dans ta bibliothèque de salon que sur ton bureau. Mm. Peut-être de merger un Time Capsule avec le Mac mini? Non. Non? Ben... Pas vraiment. Je vois pas l'utilité. La Time Capsule est bien tout seul là, dans son petit coin. Là. Oui, mais tu offres un autre produit au-dessus c'est un Time Capsule. Non, mais justement, le Mac Mini plus petit avec le Time Capsule comme produit séparé, ça permet de mettre moins de stockage dans le Mac Mini. puis d'essayer de vendre le time capsule avec. C'est vrai. Qui sert de routeur, puis qui sert là, de gestion de tous tes appareils iOS, là, qui fait le pont, finalement, entre ton iPad, iPhone, puis ton Mac Mini. C'est vrai. Fait qu'on va peut-être voir ça en juin. On verra. Messieurs, c'est le moment de les amateurs de Mac, bonsoir. Les amateurs de Mac, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. On a des questions cette semaine. On en a trois, si je ne me trompe pas. Mm-hmm. Donc, la première question qui nous vient de... attendez, la page s'ouvre. Pierre, donc, Martin, Pierre Martin sur Mac Québec en train. J'aimerais savoir si Mac Office 2011 fonctionne sur macOS version 10.9.2. Oui. Oui. Oui. C'est ça. C'est tout. Donc, on fait l'installation. Comme on disait un petit peu au début du, un peu plus avant dans le show, la version 2014 devrait s'en venir cette année, mais la version 2011 fonctionne. Quoique, pour un produit Microsoft, fonctionner, ben, c'est pas évident. Là, ça fond, Office, là, c'est la même expérience que vous avez à votre bureau, à votre, à l'école ou n'importe quoi, là, n'importe où ailleurs où vous utilisez Office. Puis il n'y a pas de fonctionnalité là, qui fonctionne moins bien ou qui ne fonctionne pas là, sous 10.9, là, qui n'ont ben, pas été mis à jour. La... Non, pas sur 10.9, mais 2011, en fait, Office 2011, au niveau de Word, c'est assez comparable, mais par contre, Excel et Outlook sont pas des produits que je dirais comparables à la version PC. Ben, Excel, en termes de depuis qu'ils ont rétabli les macros dans Excel là, qu'ils avaient enlevé là, dans la 2008, ouais. Mais qu'ils ont remis dans la 2011, ça s'en vient pas mal comparable. Là, ouais. Mais c'est capable de. Je veux dire, c'est pas le même code. C'est pas du code qui est compilé Mac puis du code qui est compilé. Non, c'est du code en Visual Basic. Là. C'est les mêmes macros. Là, oh, PC, oui, Mac, les macros, oui, mais je veux dire. C'est pas la même équipe qui développe les deux logiciels. Mm-hmm. Et moi, j'ai vu des endroits où est-ce qu'il y a un fichier qui a été produit sur PC et qui mm-hmm. fonctionne très bien quand on l'ouvre sur Excel pour Mac. Là, quelque chose de lourd, de gros avec. Ça va chercher un autre puis un autre fichier. C'est pas capable de le prendre. Il y a certaines fonctionnalités dans Outlook pour Mac qui sont pas compatibles ou qui fonctionnent pas, entre autres les réponses automatiques, des trucs comme ça. C'est vrai que ça fonctionne pas. Même dans Mail, j'aimerais ça qu'il l'a-tu dans Mail, n'a pas. Tu peux faire une règle qui va faire que à chaque message qui rentre, tu vas envoyer comme une réponse là, mais pas de fonctionnalité simple, réponse automatique. Il y a pas comme dans Outlook sur PC. Non. Là. Ah oui, tu peux le faire sur Gmail par contre, une interface en ligne. Oui. Ah oui? Ouais. Oui. OK. Mais ce que je voulais dire quand ils vont installer Office 2011, là, il y a à peu près 4 mises à jour à faire. Oui, si tu le fais par CD, par contre, maintenant, si tu les télécharges, ouais, les mises à jour sont déjà incluses. La version actuelle, c'est la 14.4.1. Donc, voilà. Fait que oui, ça fonctionne. Il n'y a aucun problème. Sur Mac Québec Entraide, on a une autre question. De Mireille Gauthier-Richard. Jean-Michel? Mon MacBook Pro qui a 3 ans, sérieusement, on ralentit depuis le printemps. Les applications sont plus longues à ouvrir. Parfois, elles gèlent lorsque je navigue entre les différentes applications. Le curseur se transforme souvent en cercle coloré. Je m'en servais beaucoup avant l'achat d'un iPad, mais seulement pour Safari, Office, Word, Excel, en fait, Photo, iCal et iTunes. Des suggestions? C'est une question qu'on nous pose souvent. Les ralentissements, en fait, sur un ordinateur peuvent être dus sur un Mac, peuvent être dus à beaucoup de choses. La première peut être simplement la mise à jour du système d'exploitation. Votre ordinateur a 3 ans. Si vous avez pris une petite machine à l'époque qui avait peut-être 2 ou 4 gigs de mémoire et que vous êtes maintenant rendu avec Mavericks, Mavericks, 4 gigs, c'est le minimum requis. Ouais. Là. Et ça va beaucoup mieux se comporter avec 8 ou... Mais en fait, le plus de mémoire qu'on va y donner, mieux ça va pas être. Pas juste ça. Si, mettons, ça fait 3 versions. 3 ans qu'elle l'a. Ouais. Fait qu'elle a eu 3 versions du système. Si elle a fait les mises à jour du système tout le temps, à un moment donné, c'est clair que... Ouais, il y a beaucoup de fichiers qui ont plus rapport. Puis, c'est ça, tu sais, sur Windows, tu es obligé de formater ton PC au 6 mois, parce que ton Windows commence à laguer. Sur Mac, tu n'as pas besoin de faire ça. Ouais, c'est peut-être pas au 6 mois, mais peut-être qu'après 3 ans... Ça peut être intéressant de le faire. Au 3 ans, c'est correct là, de reformater. Non, c'est toujours intéressant quand tu as les mises à jour, si ça pose pas trop de problèmes de faire un clean install, mais il y a quelque chose comme ça. sinon, en fait, si vous trouvez que votre ordinateur est au ralenti, mais que vous voulez le garder encore pour quelques temps, parce que normalement, 3 ans, c'est... on suggère de faire le changement d'ordinateur à 3 ans si vous êtes en mesure de le faire. Ouais. Par exemple, pour les travailleurs autonomes, on l'explique souvent au show, vous pouvez amortir le prix de votre ordinateur sur vos impôts. Au bout de 3 ans, si vous ne vendez pas la machine pour en acheter une autre, vous perdez en productivité. Puis, comme cet ordinateur-là a encore une valeur, ouais. Ben, vous pouvez faire une mise de fonds sur, sur comme l'achat d'une nouvelle machine. Je change l'année prochaine. Voilà. Il va avoir 3 ans. Et, moi, c'est en 2010, je pense. Là, je serais dû. Ouais. Ouais. Donc, mais si pour vous, vous voulez encore le garder, à ce moment-là, ça pourrait être de faire une mise à jour vers, par exemple, un disque SSD qui lui redonnerait une seconde jeunesse. Ben, vraiment, regarder le côté mémoire aussi. Oui, juste augmenter la mémoire, ça va faire une grosse différence. Ouais. Et formater après. Ouais. Oui. Puis c'est pas cher. C'est pas mal moins cher de changer la mémoire que changer. Non, ben oui, elle donne à cette heure. C'est ça. Pour 40-50 piastres, on peut avoir 8 gigs de mémoire, là, peut-être. Là. Donc, ça peut être des fichiers ou des dossiers corrompus. Il y a des gens qui ont donné des réponses. On peut sacrer toutes les préférences au vidange d'un coup. Ouais. On peut utiliser des logiciels comme Onyx qui vont faire un bon nettoyage de la cache, qui vont nettoyer la cache de fonte. Souvent, on a des cochonneries après l'installation de Office, d'ailleurs, dans la cache de fonte. Oui, oui, oui. Ah. Ça remplace des fonts. Oui, ça remplace des fonts. Adobe aussi, ça fait Photoshop. Ça installe des dizaines de fontes. Ça installe des dizaines de choses en chinois, japonais, coréen. Là, tu sais, moi, je comprends pas. Tu sais, ceux qui achètent des genres de bundles là, qui viennent avec 2500 fontes là, à 10$. Installez pas ça tant que vous allez ralentir votre machine. Là. C'est vrai. De quelle fonte tu te sers quand tu rouvres Word? 99,9% du temps, Arial, Helvetica ou Times. Ouais, n'importe quoi. C'est ça. Moi, j'utilise du Century Gothic, je la trouve belle. Ah, moi, c'est... je me souviens plus à laquelle. Là. Helvetica, toujours Helvetica. Non. Ah oui? Ouais. Non, moi, c'est... Helvetica New. Ouais, c'est ça. Je vais le trouver, continue, je vais vous le dire. C'est bon. Il y a aussi un petit logiciel qui s'appelle Daisy Disk qui peut être intéressant pour spotter, en fait, ou voir dans votre ordinateur où sont les dossiers qui vont prendre le plus de données. Ça permet de faire un ménage assez, assez rapide. Donc, Daisy Disk, c'est disponible sur le App Store, si je me trompe pas. Ah, je connaissais pas ça. Oui. Là, ça donne une espèce de représentation graphique des fichiers qu'il y a sur... Voilà. Est-ce que c'est gratuit? Je suis pas certain. C'est le genre d'application qui doit être payant, là, ça. Oui, mais ça doit pas être très cher, par exemple. Ça doit être comme 1,99 ou quelque chose comme ça. On va faire la recherche tout de suite. Easy Disk. C'est comme là. C'est gratuit. Je suis en train de chercher les fonts dans Word, tu sais, puis il y en a en coréen puis en chinois, là. Oui. T'sais, c'est comme ils sont installés, là, puis je peux même pas les désinstaller. Il faudrait que j'aille les jeter par moi-même. Là. Mm-hmm. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Daisy Disk, c'est pas gratuit, c'est 9,99. Je viens de le voir. Okay. Mais c'est un très bon utilitaire qui a 5 étoiles sur 5 dans mm-hmm. C'est pas cher. Il y a aussi Cocktail, qui est très bon. Oui. Lui, il fait. Il y a un outil spécial qui fait rouler les scripts. Tu sais, au jour... Onyx aussi le fait. Onyx aussi? Oui, ces scripts-là, en fait, c'est les scripts journaliers, hebdomadaires et mensuels. Et ces scripts-là seront censés fonctionner tout seul. L'ordinateur est censé les lancer tout seul si il est s'il est ouvert à ces dates-là. Il le fait habituellement la nuit. Et je ne sais pas si Cocktail le fait, mais dans Onyx, il va te donner la date à laquelle le dernier script a roulé. Donc, si c'est marqué jamais, parce que, par exemple, vous arrêtez votre ordinateur tout le temps la nuit, ben, à ce moment-là, ça peut être très bien de passer ce script de nettoyage-là et d'optimisation-là. Sinon, pas vraiment d'autres trucs. Un cron tab comme sur Linux, c'est de ça qu'on parle? Oui, oui, oui, c'est un peu la même chose. Est-ce qu'on peut l'éditer comme sur Linux? C'est ça que je suis en train de regarder. Oui. On peut programmer un cron tab, un script cron tab dans le terminal. Ben ouais. Ouais. Mmh. C'est exactement la même façon que sur Linux en plus. Fait que. Hey, dans les nouvelles, tout à l'heure, on a oublié de parler, mais on a parlé de CarPlay. Il y a quelques temps, qui va être sur différents, dans les autos de différents fabricants. De luxe, surtout. Ben oui, mais Hyundai et Honda sont là. Hyundai. Quoi? C'était acheté, toi? Non, non, mais... C'est quoi ton char? Hyundai, ah oui, c'est une Chevrolet. Là. Il y a une grosse différence entre les Hyundai américaines et les Hyundai canadiennes. Ah oui? Vous regarderez, là, surtout dans le système d'infodivertissement. Aux États-Unis, il y a la radio satellite, le Bluetooth, tout ça. C'est un vrai système d'infodivertissement. Tandis qu'au Canada, ils ont sacré une radio dans le milieu là, qui capte là, à peine la radio FM et peut les recéder. Ben, pour ceux qui sont pris avec une Hyundai canadienne, Pioneer va mettre à jour, plutôt que de vendre des nouveaux produits, va carrément mettre à jour du hardware que vous avez peut-être déjà dans votre appareil, quoique le prix d'acquisition de ces appareils-là me semble un peu onéreux. Le plus petit modèle, en fait, est à 750 $. C'est le Avic 5000 Nex ou le Avic 6000 Nex. Il y a le 5000 et le 8000 aussi qui sont respectivement 1200 et 1400 $. Donc, ces quatre appareils-là quand seront même, mis à jour. Je sais pas c'est quoi la différence entre ton appareil à 750 $ et celui à 1400, mais c'est deux iPhones. Oui, c'est ça, exactement. Comme prix, fait que c'est mieux de cracher solide. Mais t'sais, de toute façon, pour faire jouer du contenu provenant de ton iPhone, tant qu'à ça, je vais aller m'acheter une TV, ça doit se trouver des écrans chinois, tu sais, de pas beaucoup de pouces. Tu sacs un Apple TV dans ton dash avec un... Probablement, là, ça doit... Tu fais un AirPlay dans ça ton doit, char. Ça doit se vendre sur des sites comme Deal Extreme ou du genre là, pour 40 $. Là, on va essayer ça. On va faire une capsule vidéo ghetto. T'sais, si on est capable de trouver... Les petits écrans, comme sur les caisses chez Tim Hortons, maintenant, ils ont des petits écrans LCD là, pour te dire ce que tu as commandé. C'est celle qui mettait dans les pneus là, à Pimp Mon Char. Là. Ah ouais. Il mettait des petits écrans de 7 pouces. Là, ouais, quelque chose à dans ça, c'est des écrans à 200 $. Fait que je suis sûr qu'on pourrait trouver un moyen de avec une Apple TV puis tout le kit, on va trouver une vieille Pinto puis on va la CarPlay. Ça va être carré. Mais c'est le prix juste à la deux. Le prix de 1400 pour l'appareil Pioneer, c'est le prix Spike de détail. C'est le prix de détail suggéré. Là. C'est pour l'ensemble du système 1400. Donc tu mets ça dans ton dash puis c'est fini. Puis il faut aussi voir que rajouter l'air climatisé, la petite boussole, puis ouais. Un info divertissement de base dans ton auto. Déjà c'est le prix. Ça doit être le list price. Mais c'est sûr que ça va être vendu moins cher par les détaillants. Ils vont vouloir compétitionner, là, mais. Ça reste dispendieux. Mais ça reste clé en main. Là. T'as tout ce qu'il faut qui est là. T'as pas besoin là, de gosser là, à te chercher là, des composantes là, d'un bord puis de l'autre. Mais moi, ce que j'aimerais... Là, tu vois, j'ai regardé pour le Pioneer Avic sur ShopBot. Il y a un endroit qui le liste. C'est 2001 audio-vidéo. Super fiable comme place. et il le liste à 1500 $. Donc, c'est pas sorti encore? Comment ils peuvent... Non, l'appareil est sorti. Okay. Ah, mais c'est une mise à jour. C'est une mise à jour qui va offrir CarPlay. Là, watch out, je sais pas comment la mise à jour va se faire. C'est une clé USB qu'il va falloir que... Non, faut que tu l'enlèves de ton dash, que tu l'envoies par UPS à Pioneer, puis 6 à 8 semaines après, il te l'envoie. Non, mais ça se connecte peut-être déjà par Internet, ce petit dash-là. Peut-être. Probablement, sûrement par Bluetooth. Là, Pioneer font des radios où tu peux accéder à Pandora en connectant ton téléphone par Bluetooth. Donc, ça doit être le même principe. D'après moi, ils vont avoir, comme nos merveilleuses télé intelligentes. Tu vois, à 1800 $, il doit avoir un slot pour une carte SIM là-dedans. Ben, jamais je créerai un carrosse. Mais qu'est-ce que je voulais dire, donc? Moi, là, ce que j'aimerais dans iOS 8, c'est... de ne pas peser sur le bouton Home pour parler à Siri. Ben, tu peux déjà le faire. Comment? Si tu vas dans les options de Siri et tu lui demandes d'être toujours à l'écoute, ouais. Si tu mets le téléphone à ton oreille et que tu lui parles, tu n'auras pas besoin de peser. Ouais, mais moi, je ne veux pas... Allô, Siri? Ah. Il faut qu'il aille... Ouais, mais... Ah, toi, tu voudrais dire « Allô, Siri ». Non, attends, mettons, Siri... Tu voudrais faire Google Glass, OK. Genre, Google Glass, OK. Tu sais, OK, Google, là, puis il part tout de suite, là, comme elle, là. OK, Siri, elle partirait. Que puis-je, mettons? Ben, ça serait quelque chose qui serait pratique. Là. Je suis sûr que pas mal de monde aimerait ça. J'ai découvert, moi, cette semaine... Ça va bouffer beaucoup de batterie, ouais. J'ai découvert cette semaine, quand je suis dans mon auto, puis que mon téléphone est branché Bluetooth à mon système dans mon auto... quand j'appuie sur le bouton pour ouvrir Siri, ben ça passe par les haut-parleurs de mon auto, puis c'est le micro de mon auto qui communique avec Siri. Ouais. C'est pas directement dans le téléphone. Non. C'est intéressant, ça. Ouais, mais sauf que le micro dans un char est moins bon que le micro de... Non, au contraire. Le micro est ici en haut, là, donc il annule le bruit de la radio, puis il capte juste le bruit de moi qui parle. Là. Il y a deux micros. Il y a un micro qui annule le bruit ambiant. Au prix qu'ils vendent, le système Bluetooth dans un char sont mieux de mettre une couple de micros là, pour annuler l'annulation. L'ensemble connectivité à 5 800 $. Mais vous ne trouvez pas que c'est une bonne idée quand même? Tu sais, on l'utilise de plus en plus. Siri, moi, je l'utilise. Là. Moi, je commence à l'utiliser. J'aimerais ça de dire OK, mais pas OK Siri, parce que là, ça serait concurrence à Google. Là. Mais mettons, Allô Siri, mettons, puis elle partirait. Elle me dirait oui. Moi, je l'apprends, mais hey! Mais moi, déjà, j'aimerais juste appuyer sur le bouton Talk sur mon volant, puis que ce soit Siri qui rouvre, là, pas l'espèce de système Chevrolet qui comprend rien. Ah! OK. C'est un système de reconnaissance vocale, puis que tu dis appel, puis tu dis nom de quelqu'un, mais en même temps, appelle Jean-François, là, puis tu vas être appelé dièse 9 0 7 1 étoile. C'est pas ça du tout, là, ça détecte pas les noms. Mais j'aimerais ça que quand ça détecte que c'est un iPhone, que ça rouvre Siri, mais quand ça détecte qu'il y a un système. Il y a des automobiles qui ont un bouton Siri, mais ça. Toi, tu l'as manifestement. Mais j'imagine que c'est parce que ça devait pas exister. Sur iOS 7, tu savais que tu peux appuyer sur le bouton. Siri apparaît et c'est quand tu lâches que tu sais plutôt que d'attendre en fait que lui attende qu'il entende plus de son quand tu commences ta phrase quand tu appuies sur le bouton et tu lâches quand tu as quand tu as fini donc ça accélère un petit peu comme un walkie-talkie finalement. Fait que non, j'ai hâte de voir parce qu'on a vu beaucoup de screenshots de iOS 8 fait que j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ben passons à la prochaine question. Donc, on nous demande pourquoi ne suis-je plus en mesure d'envoyer des messages avec iMessage? La question est de Daniel Bergeron. Moi, ce que je vois habituellement, certains appareils, bizarrement, une fois que tu as fait la mise à jour, en passant par exemple à 7.1, ça arrive sur certains appareils. Il me semble que moi, ça m'est arrivé. Mm-hmm. Ça l'a désactivé iMessage, comme s'il voulait que j'y retourne pour authentifier, donc en allant dans les réglages, messages, vérifier si iMessage n'est pas désactivé. S'il ne l'est pas, ben peut-être le désactiver, déconnecter, carrément. Redémarrer l'appareil et refaire la configuration iMessage. Mais, ça arrive souvent, je trouve. Ouais. Mais c'est pas de moins en moins avec 7.1. Ouais. C'est pas dit dans le courriel si c'est à partir d'un numéro de téléphone, hein? Non, mais je pense que ça sera... Parce qu'à partir d'un numéro de téléphone, il faut entrer le numéro de téléphone. Non, si tu le fais à partir de ton iPhone, ça rajoute c'est ça, mais faut le faire. Mais c'est juste un numéro de téléphone à la fois. Ouais. Ce que j'ai remarqué, c'est en fin de semaine, j'ai été aux États-Unis, puis j'ai pris Roam Mobility pour la fin de semaine. Ouais. J'ai mis ma carte SIM Roam Mobility, puis là, c'est un numéro à Chicago. Là. C'est un numéro 773, quelque chose. Ça l'a enlevé mon numéro 514 d'iMessage, puis ça l'a mis mon numéro 773. Oh. Quand j'ai remis ma carte canadienne de Fido, ça l'a remis mon numéro 514. Ben, c'est correct. Mais ça le fait automatiquement? Ben, c'est correct. Ben, mais c'est parce que moi, quand je suis aux États-Unis, je vais continuer à recevoir mes messages sur 514. Wow. Ben, là, ça paye! Ouais, non, c'est pas correct. C'est ça, je devrais avoir le choix de le faire. Mais là tout le monde... Pas pantoute. Ouais, c'est ça. Tout le monde qui a essayé de m'écrire en fin de semaine, ben les conversations de groupe, ça marchait pas. Puis ça tombait au rouge. Quand on essayait de m'écrire un message visuellement, ça m'envoyait un SMS. Puis je le recevais pas. Parce que c'était pas ma carte SIM Fido là, qu'il y avait dedans. Hmm. Ah. C'est ça. Je devrais continuer à recevoir mes messages 514 autant sur mon iPad que sur... T'as-tu encore les deux cartes? Ouais, mais ce qu'il faut que je fasse, si je veux pas que ça le fasse, il faut carrément que je désactive iMessage. Comme ça synchronise pas mon profil. Puis si tu le désactives puis tu le réactives, il va automatiquement quand même mettre le nouveau numéro de téléphone? Ça change le numéro de téléphone automatiquement parce que dans le téléphone, il n'y a plus le numéro 514, c'est plus la même carte SIM, plus le même opérateur. Mais le numéro de téléphone n'appartient pas à Apple, donc peut-être que le deal avec les fournisseurs, c'est, garde, si tu veux... C'est la carte SIM qu'il y a dedans, c'est le numéro de téléphone sur lequel mais le numéro de téléphone, ça passe tout dans iCloud. Je peux pas envoyer dans iMessage à partir de mon téléphone Samsung. Si un de mes amis qui a un téléphone Android essaie de m'envoyer quelque chose, ça va envoyer un message texte. Là, je le recevrai pas, c'est normal, parce que je suis pas connecté au réseau du fournisseur. Mais dans iMessage, mon numéro de téléphone est associé à mon compte. Donc, si quelqu'un essaie de m'envoyer un iMessage, ça devrait le faire passer sur mon compte, même si c'est pas la carte SIM qui est associée à mon numéro qui est dans mon téléphone. T'imagines-tu combien ça serait compliqué pour les gens qui changent de téléphone et de numéro de téléphone, de dire « OK, il faut que j'aille désactiver, si ça le faisait pas automatiquement, il faut que j'aille désactiver le téléphone dans mon iMessage. » Ils savent même pas c'est où appleid.apple.com. Mais qu'est-ce qui est plus simple pour les gens d'aviser tous tes amis que « OK, là, je m'en vais aux États-Unis, j'aurai pas le même numéro de téléphone en fin de semaine. Si vous voulez m'écrire, faites-le à tel numéro. » Ou dans iMessage, laissez ça tel quel, puis continuez à recevoir tes messages pour ton numéro principal. Ben dans ça, c'est plus facile ta version, mais dans le fait de changer d'appareil ici et de numéro de téléphone, c'est plus simple que ce soit fait de cette façon-là. C'est plus simple, mais tu changes. Si c'est tes amis, ils vont avoir aussi ton courriel, puis à ce moment-là, ça va passer par le courriel pour une nouvelle conversation. Mais c'est vrai, c'est un numéro de téléphone que tu peux rajouter, c'est vrai. C'est juste un que tu peux c'est rajouter. C'est juste un, mais autant d'adresses e-mail que tu veux. Ouais, ou non, 23 000 e-mails, mais un numéro de téléphone, ouais. Dommage. Bon. Pardon. Il est temps qu'on finisse. J'en ai un petit dernier. Vas-y. J'en ai un peu. Benoît Joly. Pas famille, non? Non. OK. Toi, Joly, c'est Boily. Ah, Boily, c'est vrai, ouais. Je sais pas pourquoi j'ai Joly, mais bon. Excusez. OK. J'ai un problème avec son Apple TV et YouTube. Avant, il y avait deux comptes YouTube. Un qui avait créé par YouTube et l'autre par Google. Puis là, quand avec mon Apple TV, je me connectais avec le premier, avec celui de YouTube, tout fonctionnait bien. Comme j'avais plein de choses en double et que je m'y retrouvais plus, j'ai transféré tout dans mon compte de Google et j'ai détruit celui de YouTube. OK. Problème maintenant, c'est quand j'essaie de me connecter avec mon compte Google @gmail.com sur mon Apple TV, il me dit que c'est impossible. Ben, moi sur YouTube, j'ai pas rien transféré de mon ancien compte YouTube, mais je l'ai joint à mon compte Gmail. Je l'ai mergé, ouais. Ouais. Moi, quand je me connecte à YouTube, ça me donne le choix. Veux-tu utiliser ton nom YouTube ou jm.boilette@gmail.com? Fait que là, je sélectionne mon nom YouTube, mais ça me donne la même option sur l'Apple TV, puis ça me donne la même option sur mon téléphone. Je sélectionne mon nom YouTube, parce que c'est là qu'il y a tous mes abonnements. Dans mon compte Gmail, j'ai pas d'abonnement, j'ai rien. C'est comme nous autres, c'est comme sur le compte de Mac Québec, on a le choix entre le YouTube, l'ancien YouTube de Mac Québec et le nouveau qu'on utilise. Ouais. Ouais, qui a été mergé. Qui a été mergé ensemble. Fait que dès que tu merges deux comptes, tu sais, ça a été créé. En fait, ce qu'il aurait dû faire, c'est merger les deux comptes plutôt que d'en détruire. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais, il aurait dû pas détruire le YouTube et aller sur. Parce que là, ce qu'il a dû faire, il a dû ouvrir son ancien compte, puis il a dit OK, là, je t'abonnais à ça, ça, ça, puis il s'est réabonné à ça, ça, ça sur son compte Gmail. Puis après, il a effacé le YouTube. C'est ça. Mais je sais pas si où dans Google, par exemple, pour merger deux comptes. C'est bizarre parce que si vous êtes capable de vous connecter à votre compte Gmail sur YouTube.com, vous devriez avoir la même option là, sur. Est-ce que vous avez. Peut-être qu'il faut une fois se connecter, peut-être qu'il l'a déjà fait, là, mais sur un ordinateur, il faut peut-être se connecter une fois à YouTube avec le compte Gmail pour que lui fasse comme une ouverture de compte. Je sais pas, je me rappelle plus, moi, comment je l'avais. Ça fait longtemps là, que j'ai ça, cette adresse-là. Ouais, ben, moi, je les ai mergés, les deux, quand ils ont arrêté d'accepter là, les comptes YouTube. Exactement. Ça fait 4 ans. On peut plus aller en créer. Maintenant, c'est ton compte Gmail que tu utilises là-dessus. Mais pour ceux qui avaient un compte YouTube avant qu'ils joignent les deux services ensemble, tu avais l'option de conserver ton compte YouTube parce que là, tu avais tous tes commentaires, tes abonnements, tout ça. Tu peux continuer à utiliser ton nom comme tu l'utilisais avant ou utiliser ton nom, ton compte Google Plus sur YouTube. Excellent. Donc, on n'a pas réellement de solution. On en avait une que j'ai dit tantôt, c'est d'utiliser AirPlay. Oui, c'est ça. En fait, ce serait de prendre un appareil iOS puis de diffuser. Direct sur Apple TV. Oui, voir en fait. Parce que le YouTube, ce que tu me disais, c'est que le YouTube sur Apple TV. C'est de la grosse chenoute. Il est assez exécrable. Tu l'as essayé? Le YouTube sur Apple TV. Moi, j'aime pas ça. Ah, c'est vraiment comme le YouTube sur ma TV. Là, ah ouais, l'application qui vient avec, c'est. C'est vraiment. Il n'y a rien, là. Il n'y a absolument rien. C'est comme ça. Je disais, tu peux même pas voir ton historique de qu'est-ce que tu as. Non, tu peux voir tes abonnements. C'est moins mélangeant là, maintenant que l'interface YouTube sur YouTube.com. Ouais, parce qu'il n'y a pas de suggestion, rien. Tu vois juste tes abonnements, mais Je vois pas d'intérêt, là, personnellement. Non. Là. Fait que non, moi non plus, je vois pas d'intérêt passer par YouTube. Sur... T'es mieux de passer par... Parce qu'il est pas bon. Par un terminal iOS. Excellent. Ben, messieurs, c'est ce qui met fin à notre petit show. Non, qui a quand même sweet, duré hein? Une heure et demie. Donc, Bernard va être content. Mm-hmm. Encore une fois, le podcast Mac Québec tient à remercier ses commanditaires, iRepair Montréal, les sauveurs de vie professionnelle, Coop UQAM, la boutique informatique de l'UQAM, ReptilTech, Linis et Telestream pour le logiciel Wirecast. Et nous, on se retrouve le 29. Le 29. 29 ou 30, quelque chose non, comme ça. Quoi, 29, là? C'est le 30, on je crois que j'ai démarqué. OK, 29. 29 mai. Ouais, 29 mai. 29 avril. Avril, oui. Ouais. Et on va être présent aussi le 2 juin. Ouais. On tient à le mentionner tout de suite parce qu'on connaît la date, on sait que ça on va se faire. On a tous pris congé. On a tous pris congé, donc on va être là pour... On a pris possession de la salle. Oui, aussi. Fait qu'il n'y a pas de conférence site qui se donne. Voilà. Donc, suivez, restez connectés à Mac-Québec. Vous allez avoir plus de détails là, sur la couverture là, de l'événement. Avec Jean-Michel à San Francisco. Mm-hmm. Exactement. Passez une bonne semaine, les gars. JM Soulier Boily sur Twitter. Oui, mais j'allais le dire. J'allais vous le demander. Où est-ce qu'on peut vous retrouver? JFroy1979 sur Twitter. Pour ma part. Google Plus. Je commence à aller un petit peu plus sur Google Plus. Ouais. Je commence à aller de moins en moins sur les médias sociaux. Je commence à trouver que ça ouais, c'est moins intéressant. Moi, je commence à aller de moins en moins sur Facebook. Je ne vais plus quasiment. Hein. Ah oui? OK. Ben, c'est pour des groupes que j'ai, là, mais à part notre. Sinon, vous pouvez me retrouver sur Diablo 3. Le nom de mon personnage est FGFG. Sur Battle.net? Sur Battle.net. Ben, sur Battle.net, c'est Almapex. Ah, OK. A-L-M-A-P-X. Mais mon personnage, c'est FGFG. J'ai récupéré mon compte d'un Chinois qui me l'avait volé et j'ai gardé son personnage. Fait que j'ai pas un beau nom, mais j'avais du gear t'avais en tabarouette. Moi, c'est ça. Sinon, en fait, dernièrement, où est-ce qu'on peut me retrouver des petits jeux sur... Est-ce que tu joues encore avec ton jeu de... Oui, je joue à Pocket Mine. Oui, c'est ça, merci. Je joue à Pocket Mine, puis j'ai commencé à jouer à d'autres choses. Je me souviens plus c'est quoi, par exemple, mais... Pas 2048? Ah, oui. Non, c'est un jeu sur iPad qui est vraiment, vraiment beau. Je le recommande, en fait. C'est... je vais l'avoir ici. Ça s'appelle Monument... c'est ça, ici? On va entendre la musique, si je me trompe pas. Pas grave. Ah oui, ça va être bien. On entend juste le son actuellement. Tu peux le laisser. C'est un jeu de casse-tête en 3D qui ressemble un petit peu à ce que... Fez, tu connais-tu Fez? Le jeu indépendant. Donc, c'est quand même assez intéressant. Puis, c'est des jeux d'illusion d'optique. Donc, faut que tu fasses tourner le truc en 3D. Il y a des morceaux de la structure qui tournent. Il est pas donné. Je pense qu'il est 3,99. Il est court, mais il est vraiment très beau. La qualité est incroyable. C'est pas difficile, okay. Mais c'est quand même assez challengeant. C'est quand même assez intéressant. Puis, c'est vraiment un monde. Tu sais, quand on joue à Myst, on a l'impression d'être dans quelque chose. Ça aussi, il y a cette espèce d'aura mythique-là dans ce jeu-là. Donc, je le recommande beaucoup. Moi, j'ai bien aimé. Juste sur iPad? Juste sur iPad, si je me trompe pas. Oui, c'est quand même... C'est qui vient de tweeter? Le podcast est terminé. Merci tout le monde. Pas moi. Parce qu'on parle encore? Oui, c'est ça. C'est Kim. Donc, merci Kim. Mais on n'a pas tout à fait fini. Donc, ça, Monument Valley, je pense que ça s'appelle. Et j'ai activé Lightroom 5 sur mon iPad. Mais comme j'utilise pas Lightroom, je peux rien faire avec. Là, ah mais oui, c'est vrai, tu as un compte. Ah, c'est l'application. J'ai un compte Creative Cloud. Oui. Et l'application est sortie. Ce que je trouve intéressant, c'est que si vos collections sont dans les nuages de Adobe, ils vont apparaître, puis tu vas pouvoir, ça va synchroniser en fait. Donc, Adobe est en train de proposer une bibliothèque d'images dans les nuages, ce qui peut être fort intéressant. Tu as 20 gigs, je pense. Il y a 20 gigs avec Creative Cloud. Tu peux probablement en acheter d'autres qui ne doivent pas la donner. Moi, j'ai encore Lightroom 4. Il faudrait que je regarde. On peut l'acheter encore séparément, Lightroom, je pense. On n'est pas obligé de s'abonner. Non. T'es-tu obligé de t'abonner? Il y a juste une nuage. Il y a juste une nuage, le Lightroom. Même Lightroom 5? Oui. Ah oui? Oui, oui, tu viendras me voir après le show. Fait que... Jeff est chum avec le nuage. Ouais, c'est ça. Le nuage, il échappe des copies du truc des fois. Oui, c'est ça. Jeff, il ramasse. Voilà, donc ça fait le tour. Donc, vous pouvez me trouver sur Twitter au Alex Cornelier. Bon, merci les gars d'avoir été là. Ben, merci bien à toi. Un petit show, on espère que c'était correct. Oh, ouais, on a sorti un peu de l'univers de la bulle d'Apple. T'sais. Voilà. Fait que... Mais il ne se passe pas grand-chose. Il y a toujours une période morte là, avant. Ben, c'est en fait, on est dans le creux, tic. C'est tic-tac. Mm-hmm. On est dans le tic Galaxy en ce moment. Ah ouais, on peut l'acheter séparément, Lightroom. Combien? 79, comme avant. Ouais. Tu disais bien. Viens voir après le show. si je le dis. Mais on peut s'abonner juste à Photoshop CC et Lightroom pour 9,99 par mois. Ah, c'est 9,99. Ouais, mais c'est juste Photoshop et Lightroom. C'est vraiment pas cher. C'est pas cher. Ça 120$ par année. Non, c'est très bon c'est comme prix. Ouais, pour photographe, c'est pas cher. Fait que. Parce qu'ils en sortent assez souvent des Lightroom, ils en sortent un an et demi, ils en sortent plus souvent que. Ils mettent ça à jour plus souvent que. Non, pas tant que ça. C'est juste que ça ne sort pas en même temps nécessairement. Ouais. Mais je pense que le 4 était sorti il y a un an et demi, justement. Hmm. Bon. Eh bien, messieurs, on se retrouve dans deux semaines. Oh, wow. C'est là. Je vais vous laisser avec les publicités. Ah, OK. Besoin d'aide pour votre réseau informatique? Faites appel aux experts de ClickPom, entreprise spécialiste en solutions informatiques des produits Apple. Que vous soyez un professionnel ou une entreprise, ClickPom peut vous aider dans l'intégration, le déploiement et le support de votre parc informatique. Visitez notre site web pour plus de détails au www.clickpom.com. ClickPom, le meilleur de la pomme sans les pépins. Vous pouvez joindre l'équipe du podcast Mac Québec par courriel podcast@macquebec.com, par Twitter @MacQuébec ou sur la boîte vocale au 1-877-561-2357. Mac Québec, le podcast.